Le propriétaire du restaurant Midas de Saint-Félicien, M. Danny Potvin, vous invite à venir déguster le nouveau sundae au coulis de Cambrise, fait en collaboration avec le Verger du Paradis. Chez nous, c'est important d'encourager les produits locaux. De plus, venez savourer la slush au Cambrise qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas, 1084, route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. M. Danny Potvin et toute l'équipe du restaurant Midas vous invite à participer en grand nombre à la Coupe du Québec de vélo de montagne et vous invite à voter massivement pour appuyer la ville de Saint-Félicien dans le concours Craft Hockeyville. On va parler des séries avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc! Salut Danny! Marc, évidemment, la série est maintenant 2-1 en faveur des Flyers de Philadelphie. Hier, il faut dire un peu, ça a été un bon match de hockey, même si le pointage est de 1-0. Il faut dire que Carter Hart a été très bon. Carter Hart, après une contre-performance, il est vraiment hot. Ses statistiques ont prouvé qu'il était capable de rebondir. Mais il faut dire que 4 poteaux dans le match n'a pas aidé non plus. Oui, mais c'est sûr et certain, Danny, que c'est facile là, après de dire ça allait pogné un poteau. Là, ça ne veut pas dire qu'elle aurait rentré dedans, ça avait été... Elle aurait pu aller à gauche ou à droite, là. Alors, c'est tout le temps facile de blâmer ça là-dessus. Mais dans l'ensemble, moi, personnellement, je trouve que ça n'a pas été le match le plus enlevant qu'on a vu depuis le début des séries. Mais j'ai surtout aimé la façon dont les Flyers ont rebondi après leur défaite de 5-0. On avait hâte de voir là, comment Philadelphie allait se comporter. Moi, je pense quand même que le Canadien a très bien joué. Mais dans les séries, c'est pas comment. C'est de gagner. Puis c'est ça un peu que Alain Vigneault a expliqué après la game. Il dit l'important, c'est la victoire. Et puis les Flyers ont trouvé une façon de gagner. C'est ça l'important de retenir. Kotkaniemi, t'as joué vraiment transformé, hein? Il est en confiance, puis il utilise un arme qui lui sert bien, c'est son lancer du poignet. Il a un bon lancer du poignet. Il s'en sert beaucoup lorsqu'il y a un défenseur devant lui comme écran. C'est sûr et certain que c'est le fun là, de voir qu'il sort de cette coquille tranquillement, pas vite. La chose qui arrive avec les jeunes comme ça, là, des jeunes choix de repêchage là, qui sortent dans les 5 premiers qui font l'équipe quasiment tout de suite en arrivant dans la Ligue nationale, on oublie souvent leur âge. On oublie quel âge ils ont et l'expérience qu'ils ont surtout. On voudrait qu'ils soient déjà à maturité à 18 ans. Alors, il faut donner le temps aux joueurs de prendre un peu de maturité. Et puis, dans le cas de Kotkaniemi, ça semble être une bonne séquence pour lui présentement. Écoute, Pierre-Luc Dubois, ça lui a pris un certain temps. Jonathan Huberdeau, ça lui a pris un certain temps également. Des joueurs de centre aussi, c'est plus long, hein? Ah, c'est sûr et certain. C'est beaucoup plus de responsabilité, un joueur de centre qu'un ailier. Tu dois venir travailler dans ta zone profondément, aider tes défenseurs. Il y a une lecture de jeu, il y a une compréhension du jeu qui est complètement différente en étant un centre. Et tu as raison que des fois, ça prend un certain temps là, avant de pouvoir s'acclimater à la Ligue nationale. Mais regarde un gars, justement, tu parlais comme Pierre-Luc Dubois. Quelle belle progression, ce joueur-là. C'est extraordinaire. Il joue vraiment comme un joueur de concession. Est-ce que c'est le meilleur Québécois actuellement dans la Ligue nationale? Ben, c'est un bon jeune en montée, c'est sûr et certain. Là, mais t'as encore des bons vétérans qui font la job. Je regardais encore Patrice Bergeron. Oui. L'efficacité de ce joueur-là est extraordinaire. Mais c'est sûr et certain que dans les joueurs en puissance québécois dans la Ligue nationale, il faut mentionner Pierre-Luc Dubois, c'est sûr. OK. Donc, dans le match de vendredi, on l'a vu également, le Canadien avait été transporté par l'émotion. Une nouvelle comme Claude Julien, là, même s'il n'était pas en danger de mort, à quelque part, ça aide aussi, là. Ben, tu as besoin de petits éléments déclencheurs qui vont faire que tu vas jouer peut-être. Parce que là, c'est difficile, Danny. Il n'y a pas personne dans les estrades. Il n'y a pas l'émotion du septième joueur, comme on dit. Alors, de trouver une motivation supplémentaire. Je pense que déjà là, d'être rendu dans les séries, c'est une motivation. Mais de trouver un petit élément de plus C'est sûr et certain que ça l'a aidé. Et puis, du côté des Flyers, hier aussi, ils ont eu quand même une grosse nouvelle. Là, c'est parce que j'oublie son nom, mais le joueur qui a eu le... Pardon? Oscar Lindbom, le défenseur. Oui, exactement, qui avait le cancer. C'était un retour sur la patinoire hier. Alain Vigneault, justement, a mentionné que pratiquement tous les entraîneurs avaient l'arme à l'œil lorsqu'ils l'ont vu sauter sur la patinoire. C'était un beau moment. Alors, est-ce que ça l'a transporté un peu d'émotion également pour les Flyers hier? Peut-être. Mais dans une série comme ça, 4-2, c'est l'enthousiasme qui règne à nouveau. Le football à Montréal. Montréal avait gagné 5-0. Puis même si hier, le Canadien était blanchi, ça ne veut pas dire que le match d'après, c'est... Non, c'est un autre match. C'est un autre match. Oui, c'est des matchs sans lendemain. Alors, il faut se préparer pour ça. C'est seulement 2-1 dans la série. Il reste encore beaucoup de matchs. OK. Comment tu vois le match de demain? C'est le match probablement le plus important jusqu'à date, là. Oui, parce que 2-2 ou 3-1, ça fait une grosse différence. Oui, hein? Une très, très grosse différence. Alors, ça va être un match qui va être important. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre de perdre le prochain match parce qu'ensuite de ça, ils vont devoir en gagner 3 de suite contre une équipe comme les Flyers. Alors, ça va être très difficile. Le match de demain est primordial. OK. Grosse nouvelle dans le cadre de la fin de semaine. Tuukka Rask a été décidé de quitter la bulle, rejoindre sa famille. Toi, c'est une grosse nouvelle à Boston. Comme, c'est quand même compréhensible. Le gars, bon, c'est la famille. Sauf que je me mets dans la peau. Je suis pas sûr que moi, comme joueur, comme coéquipier, de laisser tomber ses coéquipiers quand c'était un joueur clé, comment ça peut être perçu dans une chambre? Ben, je suis assez mitigé là-dessus, Danny, parce que tu as raison. D'un côté, là, tu pourras jamais reprocher à n'importe quel humain de prendre une décision familiale. Lorsque tes enfants, ton épouse ou qui que ce soit dans la famille peut ressentir des problèmes, ou dans le cas-là, je pense que c'est une naissance, et puis il veut assister sa femme dans ces moments-là. Moi, je, en tant que coach ou directeur gérant, je ne m'opposerai jamais à une situation comme celle-là où on met le côté humain avant la business. Mais d'un autre côté, c'est sûr et certain que lorsque tu décides de faire un athlète professionnel, peu importe le sport, et que tu gagnes des millions et que tu dois rapporter pour ta business, si tu prends cette décision-là, c'est sûr et certain qu'il peut avoir des conséquences pour les autres, tes autres coéquipiers, parce que tout le monde est dans la même situation. Là, tout le monde aurait une raison valable de dire aussi, hey, moi non plus, je vais pas à cause du coronavirus, à cause de ma famille, à cause de mes enfants, parce que pratiquement tous les joueurs de l'équipe ont des enfants, et puis toutes les raisons seraient bonnes. Alors, c'est pour ça que, d'un autre côté, est-ce que ça va affecter l'esprit d'équipe lorsqu'il va être de retour? Peut-être que certains joueurs vont plus mal le prendre, si tu veux. Mais comme je t'ai dit, moi, je ne m'opposerais jamais à une situation comme ça. Mais en tant que propriétaire, ce serait peut-être plus difficile là, à comprendre la situation. Heureusement qu'on a un bon deuxième. Oui, parce qu'exactement, si ça arrive, là... Mettons que ça arrive au Canadien, Carey Price, c'est quelque chose... Là, tu tombes avec Charlie Lindgren, c'est encore plus dramatique, là. Exactement. Puis là, si demain... Ils se blessent à l'acte, là, il arrive quoi? Là, tu te retrouves avec ton troisième gardien, alors c'est une possibilité. Alors, c'est pour ça que c'est avec tout ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui, quelqu'un qui va aller dire qu'il est contre cette situation-là, il va se faire tirer des tomates, puis il y a un Me Too contre lui qui va partir. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est une situation qui est quand même délicate où ce que tu es dans un sport d'équipe, tu dois. Rapporté à ta business, tu gagnes beaucoup d'argent et puis tu prends une décision qui est un peu peut-être controversée. Alors, c'est sûr que ça va amener du contre dans cette décision-là. Marc, un gros merci. On s'en parle cette semaine ou la semaine prochaine. C'est un plaisir, Daniel. Notre ami Marc